Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Dis-moi, tu es toute pâle. Tu as l'air fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Je crois que j'ai une indigestion. Va chez le médecin. Oh non, quelle horreur! Je déteste les médecins. Ne dis pas ça. Tu préfères aller mal? Non, mais... Alors, sois raisonnable. D'accord. Alors, donne-moi l'adresse d'un bon médecin. Tiens, voilà, c'est pour toi. Docteur Gaillard, 7 rue Jean Jaurès. C'est un excellent médecin. Tu peux aller chez lui en toute confiance. Merci.